Y'a que des fils de pute qui tournent dans le secteur. Patrouille ninja en TDM, la clique à l'inspecteur. Y'a ce qu'il faut dans la part, y'a toi leur faire peur. Y'a ce qu'il faut dans la part, y'a toi leur faire peur. T'es consommé, à quoi ça sert? Y'a les petits du jet qui branche ta sœur. Tu te mêles dans des affaires, tu te prends pour un braqueur. Un jour tu traînes avec des voleurs, un jour tu traînes avec des casseurs. Un jour avec te propose des sous pour t'armer sur un fighter. Y'en a qui savent se taire, y'en a qui fument du shit et d'autres de l'air. Pousse-toi ta si j'accélère, trop pressé, j'te monte en l'air. Info-toi pour tous tes meilleurs, un biche, des abondes, il me faut de l'air. J'passe un homme dans le quartier, cette fille ta pute, ils me mettent l'œil. Petit pas de danse, ouais, le rap, j'suis dedans. J'dédicace dedans, merde, j'ai pas tant de temps. Petit pas de danse, ouais, le rap, j'suis dedans. J'dédicace dedans, merde, j'ai pas tant de temps. T'assurer, dedans des gains va t'assumer. Photo on t'a cramé, tu t'en mets dans le nez. Tu vois ton frérot à pâte, tu veux pas l'amener. J'fumais la pâte à du riz, pendant que tu grattais des sticks. On m'a dit qu'à couler, tu sympathises avec les chemises. Routine c'est devenu banal, trop et tout devant les banales. Rentre chez moi, j'suis en fumette, vote pas d'espèce banane. Sur ma lutte sur le jarret, j'croise des fans qui prennent des photos. Prends pas trop la confiance, j'suis gentil mais c'est pas mon poteau. Sur Ali elle est en fait bonne, mais à la base c'est une chamelle. Et voilà elle t'a mis dedans, maintenant elle veut son sac Chanel. J'me mets bleu sous OG, ma tête tourne elle va exploser. Ça fait 13 ans que je rappe, j'ai encore faim de poser. J'vais tout dire, j'fais les 100 pas, alors toi tu dois d'être millionnaire. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J'dédicace dedans, merde qui va quand dedans. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J'dédicace dedans, merde qui va quand dedans. Des fois j'suis sur les nerfs, alors j'file ma crème avec les banales. Et quand j'passe à la sioux, j'fais cracher le moteur du banal. Trop d'embrouilles, ça passe du coq à l'âne. Dehors c'est quoi tout le temps, donc mon petit va dire installe un petit matin. Oh le con y fait. Petit pas de danse.